Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Perfetto. Allora, adesso sono, siamo andate un po' indietro, sono le 9 e 20, le 21 e 27 minuti e andiamo e siamo andate a Montréal. Alors, j'ai dit que bon, bah maintenant il était 9h30, donc on avait changé d'heure et qu'on était arrivé à Montréal. D'accord. Et, donc, à chaque fois, il faut que je traduise. D'accord. D'accord. Écoute, à Montréal, il fait 10 degrés aujourd'hui, c'est extraordinaire. Alors, à Montréal, il fait 10 gradi. Ma come qui? Ici aussi? Très chaud pour nous. Molto caldo per loro. Che altre cose? Che va d'autre? Alors, je fais comme ça, je vais d'abord parler en italien et puis en français. D'accord. Allora, io ti avevo contattato perché da molto tempo che ti conosco, so che tu fai video in una rete che si chiama VDL, tante video a tematica lesbiche e volevo chiederti, e ci è proposta di parlare del tuo ultimo video a proposito delle lesbiche anziane. Donc j'ai dit que voilà, depuis très longtemps je savais que tu faisais des vidéos et que dans ce réseau VDL et qui était que vous avez fait beaucoup de vidéos à thème lesbien et que tu voulais nous parler de ton dernier vidéo à propos des lesbiennes anciennes. Oui, c'est ça. Écoute, c'est drôle qu'aujourd'hui, j'ai eu la mauvaise nouvelle du gouvernement. C'est que j'ai fait... je vais te raconter, puis après, j'arriverai à mon crescendo de la mauvaise nouvelle. Il y a 3 ans, j'ai fait une demande au gouvernement. Il y a eu un nouveau ministère des aînés. Et j'ai fait une demande pour utiliser mon vidéo. J'avais fait une vidéo sur les lesbiennes aînées. Tu sais, un jour... Attends une minute, il faut que je puisse traduire. Ah oui, c'est vrai. Okay, oui, c'est... sinon après je vais oublier. Ok, voilà. Allora, 3 anni fa aveva fatto una domanda, una richiesta, perché c'è stato un tipo un segretario alle persone anziane, e poi, vas-y. Puis, c'était en fait, je voulais utiliser la vidéo pour sensibiliser les aînés dans les résidences pour personnes aînées. Et donc, voleva utilizzare questo video per fare un po' di sensibilizzazione nelle case di riposo. Parce que, tu sais, au Québec, les aînés, ils sont très catholiques, hein, tu sais, c'est le restant du pouvoir catholique au Québec. Donc, on a ici un évêque qui est très anti-homosexuel, qui fait des sorties dans les médias quotidiennement. Et perché da parte delle persone anziane c'è molto cattolicismo del fatto che vabbè, del potere cattolico che stava molto grande in Quebec e loro parlano molto contro l'omosessualità. Alors, donc, cet évêque-là, il y a beaucoup de pouvoir sur les aînés. Donc, les aînés sont anti-homosexuels. Tu comprends? Parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils respectent l'évêque, dont on a beaucoup de difficultés à se faire respecter par les aînés. Et alors, soprattutto perché c'è un vescovo molto anti-omosessuale che ha un potere grande su tutti gli anziani. E sì, questo, voilà. Alors, quand une lesbienne, par exemple, aînée, comme moi, irait dans une résidence pour personne aînée et que je voudrais afficher mon lesbianisme, je me ferais isoler et complètement, boycotter. Personne ne me parlerait au point où j'ai appris qu'il y a beaucoup de lesbiennes aînées qui ont commis ou qui commettent des suicides dans ces résidences-là parce que les personnes les refusent dans les jeux. T'sais, ils ne veulent pas les avoir à leur table. veulent pas s'asseoir avec elle. Tu sais, les isolent complètement. Et donc, se io per esempio andavo adesso in una casa di riposo, che potrei, allora mi ritroverei molto isolata. Infatti, perché questo ambito delle residenze per persone anziane è molto omofobico. E dunque le lesbiche sono, se vogliono farci vedere come lesbiche, sono isolate, la gente non vuole giocare con lei, non vuole di lei al suo tavolo, e questa è la situazione. Alors, ce projet, je l'avais créé, bon, tu sais, le vidéo, je l'avais fait à Réseau VDL, mais moi, comme j'étais coordonnatrice, tu sais, j'ai été coordonnatrice pendant 12 ans au Réseau des lesbiennes du Québec, qui est un organisme de la défense des droits des lesbiennes. Et donc, j'ai fait la demande à ce moment-là au nom du Réseau des lesbiennes du Québec. E dunque, sia come rete VDL, da cui parlavo prima, sia come coordinatrice della rete lesbica del Quebec, ho fatto la richiesta per questa visibilità, diciamo, delle video nelle case di riposo. Mm-hmm. Alors, ma chère, j'ai eu une subvention pour 3 ans. Je l'ai fait 2 ans, mais l'année passée, cette année devait être ma 3e année. Mais comme ils m'ont congédié, mon CA, mon conseil d'administration m'a congédié parce que j'avais eu une relation avec une lesbienne qui est maintenant ma conjointe, l'ancien CA a renvoyé la subvention au gouvernement. Je pense pas qu'ils sont malades, toi. E allora, appena saputo questa cosa, che perché adesso non è più nella rete delle lesbiche, e la subvenzione che passava dalla rete delle lesbiche, come lei non c'è più perché hanno litigato, la rete delle lesbiche ha rimandato al governo il contributo. Okay. Alors, c'est quand tu en renvoies l'argent à un gouvernement, j'ai essayé de le revoir parce qu'à un moment donné, j'ai essayé de revenir à un Réseau des lesbiennes du Québec et c'est sûr que l'organisme est désisté du projet, donc le dossier a été fermé. Alors, moi, au nom de Réseau VDA, j'ai décidé de continuer, mais de le faire pour les lesbiennes anglophones. Ça s'appelle une expansion de projet, mais je le ferai, je suis en train de traduire mon vidéo en anglais pour le faire pour les lesbiennes anglophones qui n'ont pas beaucoup de services maintenant au Québec. Je peux te faire une question, mais tu as réussi à le passer un peu, comment tu as travaillé pour faire le vidéo? Oui, écoute, je traduis tout de suite. Ça a été extraordinaire, écoute, je l'ai passé dans ça a été difficile à rentrer, je n'en ai pas fait une tonne, mais les résidences qui ont été ouvertes à moi, ça a été extraordinaire. En général, les personnes aînées, c'était des femmes qui venaient, puis elles ont aimé ça. Même qu'il y a une madame qui avait 90 ans qui a fait son coming out à moi. Allora, en voyant la vidéo. Ho fatto 2 domande. Prima raccontava un po' il percorso amministrativo e diceva che come nel lato francofono c'è delle difficoltà, adesso stava tradurlo in inglese per farle dal lato canadese inglese. E poi gli ho chiesto se quando ha presentato la video nelle residenze di anziani, come è stata ricevuta. E mi diceva sì, l'ho fatto abbastanza più di una volta, per esempio, e poi è molto emozionante perché comunque è sempre ben accolto dalle donne. E l'altra cosa è che ultimamente c'è anche una lesbica di più di 80 anni che è andata da lei per fare il suo coming out. Allora, vraiment pour les personnes, tu sais ce que ça l'a permis, c'est que ces personnes aînées là, il y en a plusieurs qui m'ont fait des témoignages que dans leur famille, il y avait soit un oncle ou une tante ou une cousine lointaine qui était comme ça. Ça leur a permis de se libérer et d'en parler. E dunque le discussioni erano ricche perché hanno parlato di una cugina, una zia, una conoscenza che era lesbica, E questa cosa è stata proprio, no? Liberata per parlarne. Oui. En général, celles, les personnes qui l'ont vu, écoute, à un point, je vais te raconter, il y a une résidence qui avait résisté longtemps, le gars, je pense que je l'ai appelé 50 fois avant qu'il me dise oui pour venir dans la résidence. Et après que j'ai passé, je l'avais passé à une vingtaine de personnes, il m'a rappelé pour me dire que ça avait eu tellement un impact dans sa résidence que lorsqu'ils se sont organisés la fête de la Saint-Valentin, ils ont demandé s'ils pouvaient pas trouver un couple de gays et une couple de lesbiennes pour être à leur fête. Alors, une expérience incroyable. Mentre una volta con un istituto, il tipo di istituto, cioè lei ha dovuto chiamare ma 50 volte per farle accettare che passa questa video nel suo istituto. È passato, ha avuto un grande successo finché per la San Valentino facevano una festa e hanno chiesto di trovare una coppia gay o lesbica per partecipare alla loro festa. Incroyable. Et une autre question. Vrai, hein? Non, c'est très touchant. Écoute, Sylvie, ça a été très touchant. Molto émotionnante. Cette expérience-là. Cette expérience. Et puis aujourd'hui, ben, je viens d'avoir la réponse à ma demande pour faire, tu sais, quelques projets en anglais. Puis la réponse est non. Ah. Alors, c'est. Ils disent que quand tu dis non au gouvernement, que tu renvoies une subvention, c'est très difficile de comme te remettre sur le piton là, t'sais. Et donc lì si ritornava sul comunque il suo proprio problema di questo momento e che ha appena anche ricevuto che per il progetto in inglese è stato rifiutato. Je te fais une dernière demande question. Oui. Comment t'as travaillé pour la faire cette vidéo? Ben écoute, ça a pris 10 ans. Écoute, ça a pris 10 ans. Ça a été une collaboration avec quelques amis et de temps en temps des subventions. Et ça n'a pas été simple parce qu'en fait, tu sais, j'essayais d'avoir des lesbiennes très âgées pour avoir comme l'expérience le plus loin possible, tu sais. Mm-hmm. Et les plus vieilles, j'ai des lesbiennes en 65 et 75 ans. Mais j'ai pas pu avoir plus vieille. Elles ne voulaient pas s'exprimer. Elles s'identifient pas. Elles sont lesbiennes, mais elles le disent pas. Mm-hmm. Elles veulent pas être identifiées. T'sais. C'est la génération qui a eu trop peur. T'sais. Dunque, sì, non è stato facile, ha preso 10 anni per fare questa cosa, sia chiedendo amiche, amici, e comunque la difficoltà è che non è che è riuscita a trovare delle lesbiche di più di 75 anni, non che non esistono, che non le ho trovato, ma a farle proprio testimoniare perché comunque sono lesbiche ma non vogliono essere fuori e sono proprio della generazione che è stata molto molto repressa. Je te raconte une petite chose, c'est que oui, on a fait oui. il y a 2 semaines d'ailleurs une émission oui. sur les lesbiennes pendant le fascisme ici en Italie, et la copine qui était venue intervenir, elle a fait des interviews auprès de très vieilles lesbiennes âgées, et elle disait un peu la même chose, que bon, elle n'avait pas toujours utilisé la parole lesbienne parce que c'est pas ce qui leur correspond, mais qu'effectivement la difficulté de toute façon de exprimer la relation intime en fait. Mm. Oui, c'est ça. Oui. Parlavo un attimo dell'esperienza di Elena Biagini, che ci raccontava un po' come è stata difficile, come lei ha avuto difficoltà ma anche molto emozione per fare interviste alle lesbiche che hanno vissuto sotto il fascismo. Oui. Écoute, les Américaines, il y a quelques groupes américaines de 50 ans et plus qu'elles ont des projets d'histoire orale. Elles essaient de trouver le plus possible des lesbiennes aînées pour qu'elles racontent leur histoire, tu sais. Mm-hmm. Et comme elles ont de la difficulté devant une caméra, souvent, si elles veulent pas être filmées, elles vont au moins les enregistrer, tu sais. Oui. Et c'est quand même intéressant, l'histoire orale, parce que, tu sais, quand tu es devant une personne, tu sais, la parole vient quand même. Mm-hmm. Elles ont... en tout cas, ça a l'air pas mal intéressant, tout ce qu'elles récoltent comme information par rapport à leur vie. Infatti, per esempio, ci sono tre gruppi negli Stati Uniti che fanno questo lavoro di ricercare, fare parlare le lesbiche anziane o molto anziane per non perdere questa parola. Infatti, l'orale è anche una cosa molto importante. E talvolta davanti a una camera non ce la fanno, ma comunque davanti a una persona essere registrata si fanno, e dunque loro fanno tutto questo lavoro di archivio e di storia. Mm-hmm. C'est ça, c'est important de pouvoir ramasser toute cette histoire-là. Écoute, quand même, je vais te donner un petit peu le portrait du Québec en ce moment. Ça bouge beaucoup. Les jeunes lesbiennes, il y a beaucoup de réseaux sociaux. Tu sais, c'est pas politique, mais juste le fait que les lesbiennes se rencontrent, pour moi, même si c'est dans le social, c'est politique parce qu'au moins elles brisent leur isolement, puis elles s'identifient au moins lesbiennes. Mais énormément de tu sais, des réseaux sociaux où elles sortent, elles font toutes sortes d'affaires, là, mais c'est tu sais, le sport, la culture, etc. Mais c'est des centaines et des centaines, comme il y en a un qui s'appelle les Ailes de Montréal, elles sont 800, les Chouettes Coquettes, ils sont 700, les Lesbiennes, ils sont comme 500. J'en reviens pas, cette année, là, tous les réseaux sociaux, puis tu sais, ils ont des sites... Attends. C'est ça, des sites web que tu peux aller voir. Et c'est quand même hallucinant. C'est la première fois dans l'histoire du Québec où on voit les jeunes s'afficher. Bon, tu sais, ils ont pas la parole politique, si tu veux, mais au moins ils ont déjà elles ont comme brisé le pattern d'aller dans les... Ben, elles vont dans les bars, mais elles ont l'air à faire les choses bien en dehors des bars sans lieu spécifique lesbienne, tu sais. Mm-hmm. E allora parlava di una cosa molto interessante, un fenomeno comunque in questo momento lì a Quebec, che le giovani lesbiche escono in delle reti sociali molto importanti. Per esempio, ci ha citato tre gruppi, tre reti che fanno tipo il primo 800 lesbiche, il secondo 500 o 300, sono numerose, non hanno la parola politica, ma comunque escono, e questa cosa non si è vista mai a Montréal, per esempio. Mais tu vois, de l'autre côté de la médaille, tu sais, on a milité certains groupes communautaires pendant des années pour que le ministère de la Justice ait un budget pour avoir des projets dans les communautés LGBT pour sensibiliser les gens, puis tu sais, se battre contre la lesbophobie, par exemple. Et ça marche. On a eu quelques millions là, de dollars qui sont offerts au groupe communautaire. C'est tout nouveau. E c'è una spinta, diciamo quasi, del governo, nel senso che ha attribuito tipo un milione di dollari alle comunità diverse, e dunque anche la comunità LGBT ha ricevuto soldi per comunque continuare le loro cose, le loro attività. Mm-hmm. Tu connais-tu Lynn Chamberlain, Sylvie? Oui. Écoute, Lynn vient d'avoir, dans ce même programme du ministère de la Justice, elle vient d'obtenir la charte de la diversité LGBT à l'Université du Québec. Donc, il va y avoir plein de gens qui vont faire des maîtrises, des recherches dans les communautés pour faire la promotion dans les communautés LGBT. Et elle a eu un demi-million. Ouf. che parla di una compagna, Lynn Chamberlain, che comunque fa parte proprio del movimento delle lesbiche, che ha appena ricevuto come si dice, un posto all'università per iniziare a fare e sviluppare le ricerche LGBT, e che ha ricevuto dal governo un mezzo milione di dollari. E visto così, cioè, io avrei forse detto come mai, visto che so che comunque questa Lynn Chamberlain è una lesbica politica che comunque si è impegnata tutta la sua vita, sia nella storia, ha scritto, e che riesce a prendere questo, proprio avrei anche fiducia nel progetto. J'ai dit qu'en plus, comme on sait que Lynn est quelqu'un de très engagé dans le lesbianisme, oui, politique, ça nous donne aussi confiance dans le projet. Oui, tout à fait, oui. Non, mais c'est extraordinaire, c'est comme une première dans l'univers, si tu veux. Ça n'existe pas nulle part ailleurs. Tu sais, ils ont comme les Américaines, ils ont les Feminist Studies. Il y en a quelques-unes que c'est lesbian studies, mais très peu, elles disparaissent d'année en année. Et ça, mais au Québec, c'est quand même intéressant pour nous. Mentre negli Stati Uniti ci sono le gender studies, feminist studies, è la prima volta al mondo che comunque un'università apre alla LGBT studies. Regarde, Diane, je vais arrêter parce que non, il est tard et j'arrive plus à me concentrer sur la traduction. Donc, je vais pas avec force, je vais mettre mon là parce que j'ai un peu de difficulté adesso per seguire la transmission et per la concentrarmi ancora più di tanto. Ti ringrazio molto di questo intervento, ne riparleremo anche e forse comunque ci fa dare il documentario e lo traduciamo in italiano. Et donc je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette radio. Ça me fait plaisir. Et c'était vraiment très intéressant. Et je disais que peut-être que tu nous feras voir la vidéo et on pourra la traduire en italien. On en parlera, oui, parce que c'est important. Non, j'aimerais ça, oui. Ouais. N'hésite pas, appelle-moi quand tu veux. Ok. Ok, je suis très active toujours. Parfait, continue. On est là. Ah, merci. Ciao. Ciao. To school. Oh.